Joseph Sabiyabandi. Bonsoir à tous les auditeurs de la radio Isanganiro. C'est le moment de suivre le journal et parler en langue française, dont voici les principaux titres. Le manque de neutralité et la manipulation du procureur de la Cour pénale internationale par les puissances sont certaines des raisons qui poussent le gouvernement burundais à se retirer du statut de Rome. Philippe Nzobonariba, porte-parole du gouvernement, nous en dira plus dans ce journal. Et l'ancien président du Burundi, Sylvestre Ntibantunganya, ne cautionnait pas le retrait du Burundi du statut de la Cour pénale internationale. Il estime que le meilleur moyen de remettre les choses en ordre est de s'asseoir avec ses partenaires afin de trouver des solutions aux problèmes posés. Et les pluies torrentielles qui se sont abattues ce samedi sur la capitale Bujumbura et ses environs ont fait beaucoup de ravages. En zone Muyira de la commune Kanyosha, on dénombre plus de 300 maisons détruites. Des échauffourées ont éclaté ce matin à l'église de paix de Jésus-Christ dans le monde à Sororezo. Nous sommes à mairie de Bujumbura suite à une mésentente entre trois pasteurs de cette église. Bilan, deux blessés. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Comme je vous le disais dans les titres, le manque de neutralité du procureur de la Cour pénale internationale, le statut de Rome qui n'est plus respecté et le manque d'indépendance des autorités de la Cour pénale internationale sont entre autres des raisons qui poussent le gouvernement burundais à se retirer du statut de Rome, nous indique le porte-parole du gouvernement. Dans un procès-verbal du Conseil des ministres de ce jeudi, Philippe Nzobonariba précise que le projet de loi relatif au retrait du Burundi du statut de la Cour pénale internationale a été adopté. On l'écoute. Le procureur de la CPI, passant outre son devoir de neutralité, n'a cessé de multiplier les déclarations dirigées contre le gouvernement du Burundi jusqu'à annoncer l'ouverture d'un examen préliminaire sur la situation au Burundi. Et cela sur base de faux rapports produits par les mêmes déstabilisateurs avec la couverture de prétendus experts indépendants des Nations Unies. Et pourtant, le procureur de la Cour pénale internationale CPI n'a pas allégué que le gouvernement du Burundi aurait failli à ses obligations conventionnelles en omettant d'enquêter ou de poursuivre pénalement les auteurs des crimes qui relèvent de la compétence de la CPI sur le territoire burundais. Ainsi, le procureur de la CPI a violé délibérément le principe sacro-saint de la complémentarité inscrit dans les statuts régissant la Cour. Le gouvernement du Burundi estime que la décision du procureur de la CPI d'intervenir dans le conflit politique en cours au Burundi sur pression des puissance qui finance son fonctionnement et en décidant d'un examen préliminaire alors que le Burundi est en train de s'acquitter de ses obligations telles que prévues par le statut de Rome constitue une atteinte grave et flagrante à la souveraineté et à la sécurité nationale. En effet, procéder à l'examen préliminaire encourage potentiellement les forces négatives et leurs acolytes et contribue à réveiller les violences. Par voie de conséquence, le gouvernement estime que le maintien du Burundi comme partie au statut de Rome de la Cour pénale internationale ne peut plus se justifier du moment que le dit statut n'est plus respecté et surtout que des pays qui ne l'ont même pas ratifié en contrôlent le fonctionnement. Le gouvernement devrait collaborer avec ceux qui souhaitent que la vérité sur les violations des droits de l'homme commis depuis le début de la crise soit mise au grand jour. Pour l'ancien président du Burundi, Sylvestre Ntibantunganya, le meilleur moyen de remettre les choses en ordre n'est pas de se radicaliser, mais plutôt de s'asseoir avec ses partenaires pour trouver des solutions aux défis posés. On l'écoute. Nous savons que dans notre pays, surtout depuis le mois d'avril de l'année passée, nous avons connu une situation de crise grave où les droits de l'homme ont connu, j'allais dire, des agressions. Quand on sait qu'il y a autour de 600 personnes qui ont été assassinées, alors que d'autres ont disparu, et nous avons besoin de savoir dans quelles conditions qui a commandité l'assassinat du lieutenant général de Fujimiliman. Nous avons besoin de connaître qui a commandité l'assassinat du colonel Jean Kikomango, l'assassinat du général Karabuza, du colonel Kurakure, de la députée Arsa Mose. Je ne parle que de noms emblématiques. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a plus de 600 Burundais qui ont connu des morts atroces. Alors, personnellement, je dirais que plutôt, dans des circonstances pareilles, gens, il faut plutôt l'encourager. Et c'est pourquoi, globalement, nous disons que face à des situations comme ça, il faut que les partenaires s'asseyent ensemble et trouvent des mécanismes plus adéquats pour arriver à trouver une solution qui réponde effectivement aux souhaits des uns et des autres. Je ne pense pas aujourd'hui que quiconque au Burundi ait trouvé une solution efficace et passerait à se radicaliser, passerait à lancer des défis. Il faut qu'on se mette ensemble pour trouver une voie qui nous aide à comprendre et qui nous aide à mieux prévenir. Sur la page Sécurité, une femme du nom d'Omani Lalira Judith, épouse d'un certain Chiza Liber, détenue actuellement à la prison centrale de Bubanza, se lamente de la façon dont les policiers ont opéré chez elle. Une fouille perquisition sans mandat, et cela dans l'obscurité au cours de cette nuit. Des jeunes du parti au pouvoir en patrouille ont failli se rentrer dedans avec ces policiers. Les détails avec Space Caritas Kabanyana. C'était à 23h, passé de quelques minutes, au moment où Omani Lalira Judith, épouse d'un certain Chiza Liber, a entendu des gens qui sautaient au-dessus de la clôture et elle a crié au secours, croyant que c'était des voleurs. Les voisins et les Imbonerakure qui étaient en patrouille avaient déjà constaté que c'était des policiers et ils ont demandé à cette dame d'ouvrir. Les policiers, accompagnés du chef de Corinne, sont entrés dans cette maison et ont fouillé dans toutes les chambres, demandant à Judith de leur montrer les malfaiteurs qui étaient supposés être dans cette maison ainsi que leur fusil. Ils n'y ont rien trouvé et avant de partir, ils ont giflé cette dame qui déplorait les faits et ils ont également fouillé la maison d'un voisin, un ancien policier, sans rien trouver non plus. Les policiers sont partis avec le chef de colline, Nzohabonayo Anter, qui serait pour le moment derrière les verrous pour avoir livré à la police des informations mensongères selon les témoins sur place à Kizina. Omani Lalira Judith déplore les faits et demande à la police de travailler conformément à la loi. Son époux, Chiza Liber, deuxième Eric Collinaire à Kizina, est représentant des Imbonerakure sur la même colline, est locataire de la prison centrale de Bubanza il y a déjà 4 mois pour une affaire d'abus de confiance selon son épouse. Et sur la page éducation, les cours n'ont pas encore commencé dans plusieurs classes des premières années, postes fondamentales tant techniques que générales dans les provinces de Gitega. Le motif est le manque de livres d'élèves dans les premières années, ainsi que le manque des programmes, des cours et le guide des professeurs. Il y a également l'insuffisance des professeurs dans beaucoup d'écoles. Arthur Kavabushi nous en dit plus. Les cours n'ont pas encore commencé dans les premières années du poste fondamental, tant technique que général à Gitega, et la majorité des écoles se trouvent dans cette situation. C'est en général suite au manque de livres de l'élève pour les premières années du poste fondamental de l'enseignement général et des programmes de cours, guide du professeur et livres de l'élève pour le poste fondamental de l'enseignement technique. Pour le technique, la formation des enseignants des premières années et leur directeur d'école ainsi que les directeurs techniques ont débuté ce jeudi pour une durée de 4 jours. Ce problème de manque de livres et d'enseignants se remarque au lycée Musinzira et Kwibuka et TP de Gitega. Et cette même situation s'observe dans pas mal d'écoles se trouvant dans toutes les communes de la province de Gitega, selon les responsables de l'éducation à Gitega qui disent que les livres seront disponibles d'ici peu sans pour autant donner la date exacte. Dans d'autres classes, les cours se déroule normalement, mais l'insuffisance des enseignants se fait sentir dans le cycle post-fondamental. Les directeurs disent qu'ils attendent l'autorisation de Madame la ministre de l'Éducation pour engager les professeurs vacataires ou du moins le recrutement de nouveaux enseignants permanents. Cela étant, de longues files d'élèves qui demandent des places, soit de redoublement, soit pour changer de section, s'observent devant les bureaux des directeurs des écoles secondaires. Certains sont servis et d'autres non. Spécialement pour les écoles à régime d'internat, des subsides sont disponibles pour la restauration des élèves internes pendant un seul mois à compter du jour de la rentrée scolaire. Mais les lits et les matelas sont insuffisants à pas mal d'écoles. Les élèves sont alors obligés d'apporter leur propre matelas. Depuis Gitega, Arthur Kavabushi pour la radio Isanganiro. Toujours sur la page éducation, le directeur provincial de l'enseignement Ngozi met en garde les enseignants qui ne se présentent pas à l'heure spécialement. également ceux qui habitent loin de leur service. Les patrouilles matinales au coin de la sortie de la ville d'Ngozi, où ces enseignants attendent des véhicules pour les acheminer au service, seront effectuées par le DPI Ngozi dès le début de cette semaine en vue de décourager les retardateurs. Les détails avec Apollinaire Muzagara. Bon nombre d'enseignants des écoles implantées dans les zones et les communes périphériques de la ville d'Ngozi habitent dans cette ville, donc loin de leur service. Cela occasionne des retards exagérés. Surtout le matin, les enseignants font des attroupements à la sortie de la ville où ils attendent des véhicules pouvant les acheminer jusqu'aux environs de leur lieu de travail. Cette situation se fait remarquer surtout au tronçon Ngozi, Gashikanwa, Ngozi, Ruhororo et ailleurs. Le DTS professeur de l'enseignement d'Ngozi annonce que cette semaine, des patrouilles visant à mettre la main sur de tels éducateurs seront effectuées surtout le matin. Des sanctions de dissuasion seront prises à quiconque sera attrapé, prévient Désiré Nitton. Il indique par ailleurs que retards et absences sont parmi les causes principales du faible rendement sur ces écoles, comme ça a été démontré à Gashikanwa ce week-end lors d'une réunion de tous les intervenants en matière de l'éducation. Au terme de cette réunion, il a été constaté que le faible taux de réussite d'à peu près 42% a été causé par ces retards et absences des enseignants qui se sont donné objectif d'arriver à 70% l'an prochain avec l'aide de tout un chacun. Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isangani. Sur la page environnement, plus de 330 maisons, dont 70 dans un état critique, ont été endommagées par les pluies torrentielles qui se sont abattues le soir de ce samedi sur les collines de la zone Mouira de la commune Kanyosha, c'est dans la province de Bujumbura. Tel est le bilan annoncé par le chef de zone. Celui-ci demande aux bienfaiteurs de venir en aide aux populations sinistrées. Alain Désiré Boukeyeneza nous en dit plus. Cette pluie mêlée de grêle et de vent violent qui a essentiellement secoué les collines Kavumu et Jimbi de la zone Mouira, commune Kanyosha de la province Bujumbura, a duré près de 10 heures depuis 20 heures de la soirée de ce samedi. Beaucoup de maisons d'habitation ainsi que certaines cultures ont été endommagées. Les populations qui ont perdu leurs biens, spécialement les maisons d'habitation, ne voient pas à quel sens se vouer. Près de 333 maisons ont été endommagées par cette pluie torrentielle. L'église des évangélistes de l'Afrique centrale et EAC a été emportée par une autre qui était en cours de construction à côté. À cela s'ajoute une salle de classe de l'école primaire Gweza également endommagée. Gédéon Mitabavuma, chef de la zone Mouira, qui donne le bilan, dit que 70 maisons d'habitation au plus ont été presque complètement détruites par cette pluie. Que ce soit les populations victimes, que ce soit le chef de zone, tous demandent aux administratifs ainsi qu'aux bienfaiteurs de leur venir en aide. Toujours sur la page environnement, les pluies intenses mélangées de vents violents ont endommagé pas mal de choses au cours de cette nuit en province Bubanza, surtout en commune Gihanga. Les chefs des différents villages indiquent qu'ils n'ont pas encore identifié tous les dégâts, mais le seul village 4, le chef de colline parle de 17 maisons détruites. Les propriétaires étaient en train de ramasser les restes des toitures ce dimanche matin et ils demandent aux bienfaiteurs de leur venir en aide. Et deux personnes ont été blessées ce dimanche matin suite à une querelle entre trois pasteurs de l'église de paix de Jésus-Christ dans le monde. À Sololezo, nous sommes à mairie de Bujumbura. Les habitants de cette localité sont étonnés de ce comportement de ces pasteurs alors que c'est eux qui devraient servir d'exemple. Les détails avec Lubelingabo Gildas. Le bruit que vous entendez est celui des habitants de Sororezo, près de l'église de paix de Jésus-Christ dans le monde, qui protestent le désordre qui s'est observé aujourd'hui à cette église. Harerimana Désiré nous relate ce qui s'est passé et le pourquoi de ce désordre. Nous avons entendu des bruits dans l'église quand nous sommes arrivés. Nous avons vu des chaises lancées en l'air, des instruments musicaux chambardés ici et là, et les chrétiens qui se querellaient. Nous avons remarqué que c'est une querelle entre les trois pasteurs qui ne se sont pas entendus sur leur façon de diriger l'église. Kajakudia Bonaventure, chargé de recueillir les offrandes en cette église, nous dit qu'en principe, les pasteurs de cette église ont un mandat d'une année. Jean Kandora, Bosco et Joseph sont tous des pasteurs de cette église. Dans une réunion des dirigeants de l'église, on avait décidé que Jean Kandora laisse la place et moment à Bosco parce que celui-ci travaille pour une année. En fait, tous avaient un mandat d'une année. Donc, après Bosco, ça devrait être Joseph, et après Joseph, c'est Kandora, le représentant qui avait commencé avec cette église, qui devrait la diriger maintenant. La population demande que la justice fasse son travail pour que tout cela soit tiré au clair et que l'église soit réouverte. C'est sur cet élément que nous bouclons ce journal. Merci de l'avoir suivi.